Le jour des noces. C'est un jeudi, au commencement de février, un beau jeudi soir glacé où le grand vent souffle. Il est 3h30, 4h. Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier et il entendra jusqu'au soir siffler et gémir les naufrages. Il n'a qu'à s'en aller dehors, sur la route, et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer. Mais pour celui qui aime le bonheur, il y a, au bord d'un chemin boueux, la maison des Sablonnières, où mon ami Mone est rentré avec Yvonne de Galet, qui est sa femme depuis midi. De petits événements ont fait date pendant ces 5 calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Je mène une vie bien solitaire, mais en passant par les champs, il ne faut que 3 quarts d'heure de marche pour gagner les Sablonnières. Delouche est maintenant chez son oncle, qui est entrepreneur de maçonnerie au Vieux-Nancy. Et ceci explique comment nous sommes là, tous deux à rôder, vers 4h de l'après-midi, alors que les gens de la noce sont tous repartis. De temps à autre, le vent chargé d'une buée qui est presque de la pluie nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter en silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui, de très loin, ose à peine chanter sa joie. C'est comme le rire d'une petite fille qui, dans sa chambre, a été chercher tous ses jouets et les répand devant son ami. Je pense aussi à la joie craintive encore d'une femme qui a été mettre une belle robe et qui vient la montrer et ne sait pas si elle plaira. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur, de ne pas être trop cruel. Un salut, et comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense. Ils sont heureux, enfin. Mone est là-bas, près d'elle. Et savoir cela, en être sûr, suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis. À ce moment, tout absorbé, le visage mouillé par le vent de la plaine comme par l'embrun de la mer, je sens qu'on me touche l'épaule. « Écoute, » dit Jasmin tout bas. Je le regarde. Il me fait signe de ne pas bouger. Et lui-même, la tête inclinée, le sourcil froncé, il écoute. Ouh ! Cette fois, j'ai entendu. C'est un signal, un appel sur 2 notes, hautes et basses, que j'ai déjà entendu jadis. Ah, je me souviens. C'est le cri du grand comédien lorsqu'il hélait son jeune compagnon à la grille de l'école. C'est l'appel à quoi Franz nous avait fait jurer de nous rendre n'importe où et n'importe quand.